contara. Another night. La mineur, Fa, Ré mineur, Sol. Thank you. Rasta. J'ai trouvé les percussions. Écoute. Tu écoutes quoi? Carnaval. We'll be right back. Taïwan. Bonne nuit. Un jour, je te le rachèterai.